ala yi ñoy juroom ñaare wax yi nga xamne ñoo exister ci masala bi masala bokk na ci masala yi gëna bari ay wax ndax juroom ñaare wax yu wuté da ci borom xoxol yi saxal wax ju ñëk ji kon nañ jëlat ben ben ñu xol la yi tek ak yi après ñu xol lan moy li dëgeer ci wax yi inshallah wax ju ñëk ji moy ban mama zuhri ko waxon nañ fi mu tek ay layam moy lan law akhatum ihabaha ay way bo len jëlone der bi li yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax ne der bi pour lu téré ngeen jël ko fekk ñu romu romu lan fekk lan ha ñuy diri ab gatt benen wax en tout cas wax nañ sank li nga xam nañ mom moy ay layam wax nañ tamit likoy li wone ni wax joju desena lan desena deuguer ba en tout cas boko comparer ak yenen wax yi ñaarel wax bi moy waxu kan imam ahmad imam ahmad mo naw wax khanabilay rahmatullah alayh moy lan der buñ ko la ne baxul ñom ñi ngi tektelo ci hadithu abdullah ibn ukaym radiyallahu anhu bi nga xamantene wala rahimahullah wala radiyallahu anhu bo xamantene mi ngi nek ci sunan yi ak ci musnad bu imam ahmad rahimahullah sunan imam abu daud at tirmidhi nasa'i ibn majah ak musnad bu imam ahmad rahimahullah mune yenenti bi sax mune atana kitab rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alla tantafi'u bimaytatin bijuludiha wa bijul alla tantafi'u bimaytatin bijuludiha wala asab wala bijuludin wala asab yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu yonne ben téré ben lettre ab bataxal bo xamantene ñun manam ñom waju hayna bo xamantene daf ñu ko yonne lettre bi waye lañ ci gis moy bu len jariño mid bu len jariño derbi no bi ihabiha wala bi ihabin wala asab okay bi ihabin wala asab atana kitab rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tantafi'u bimaytatin bi ihabin wala asab bu len ne lettre bi dafa ñew yandu sallallahu alaihi wasallam ne bu len wu lan jariño med bu len jariño med bu len jariño lan derbi niki nonu bu len jariño manam yi ci bir moy ner yek ak lepp lo xamne nek na ci bir mune budé med rek bu len ko jariñoti ñom ñu ne kon hadith bobu buñu xolé riwayat la la bi shahr qabla mawtihi sallallahu alayhi wasallam manam benn wër rek avant muy genn aduna la lettre bobu yexi benn wër avant muy genn yentou sallallahu alayhi wasallam di genn aduna amna riwaya bo xamna mi 40 yawmi jurom ñaar manam 40 jours avant am bi amin amna at avant muy genn aduna lettre bi yexi na ak yenen ak yenen imam at-tirmidhi rahmahullah daf ne hadith bi daf ne kana ahmad ibn hanbal yadhhabu ila hadith ibn ukaym hadha imam ahmad ibn hanbal de rahmahullah hadith ibn ukaym bi ma tuddus legi mom la dan jeufandiko fa qala hadha akhir shay li mom moy li mujjé am yenen tib sallallahu alayhi wasallam kon li la mujjé wax ndax daf ne 40 jours avant wala wer rek avant wala ñaari wer amna riwayat yu wuté lolou kon mom mu ne li mom moy li gëna wer mais nak bo xolé li tax riwayat imam ahmad rahmalahu nek ñaar donc ñaarel bu moy ne mën nañ ko jëfëndiko mais riwaya chaaz la ci ñom imam at-tirmidhi rahmalahu solo na riwaya bobu pourtant mu ne summa tarakahu après dafa bayyi riwaya bi bele ndax dan ne ndax lan mo ndax parce que ittirab bi am ci affaire manam ittirab moy lan ittirab moy xam nga mutarif moy wax ju jaxaso moy ben événement par exemple ñun ñep ñu fekk ko mais ku nek la nga nek li bokut ak sa morom ba pare mbiri contradictoire voilà hein voilà légi lolou bu mbir mi amé dañi daari mabal lepp parce que boudé amul wala murajjah wala murajjah huwa al-muttarib ha huwa li tad'i fil hadith mujibu ono suuti wax rahmalahu bu fekete la amul luñu lu ko notal rek mutarif lol lañu lol du mutarif wa comme tay buñ né manam ñu fekk comme ñet ñu fekk ben xex kenn ki ne waje ñëk door ki ci dess ne dedet wajele mo ñëk door ki ci dess ne no gaay dooranté wuñ sax dañ doon xulo rek finalement dooranté sax amul manam nga gis ñom ñet té ñom ñet ñom ñi amul kenn ku ñu mëna jël wax ne sa wax gëna dëgër sa waxu morom loolu mom moy laana manam loolu dañ ngui classer dossier bi sans suite du la hein du non lañ koy waxe hein voilà loolu la loolu moy ittira day tax hadith bi daif day tax hadith bi du wërati do ñu mëna sukkandiko parce que bala nga sukkandiko ci wax jojja nek lo xamantene lu am bop am genn la lu am ciis lay lay doon mais bu day wax ji da fay ki rek han lolou munu ñuko lolou moy kon mutarab mutarab leen kon borom xam xam rahmatullah manam jumbul ñi nga xamne ñom ñoo japp ne han kay il faut buñ ko wulé dina bax moy ñi ci def ñom fof lañu côté bobu lañu accentuer sen lan sen lay benen biñu accentuer moy dafa am riwaya bu ne d'ailleurs comme ni nga xamne non la imam at-tirmidhi wax rahmatullah waxe mu ne dafa am riwaya bu waxne an abdullah ibn uqaym an ashyakh min juhayna ne dafa am abdullah ibn uqaym de radhiyallahu anhu mom mo wax ne dafa solo we ci ñaan ci ay serigne yu bok juhayna manam mom ci sen deuk ñom ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam letaram dafa ñewoon legi nak im comme li imam al-bayhaqi wa rahmalahu ci ma'rifatu sunan wal athar téré bu yéme la téré bobu nga xamantene bo tax borom xoxo bi dañuy wax né rahmatullahi nit ku né sa imam mazhab mo am lu muy mëna bako sa kaw parce que budul won mom yow amna xam xam bo xamné doko am wala ndariñ bu bari dal gudul yek ci yow bamou dess imam ash-shafi'i nga xamne mom imam al-bayhaqi mom munu def lol ci kaw imam ba parce que imam al-bayhaqi budul won mom manam mom mo delo wat waxu xam xamu shafi'i yeb delo wat ko ci xam xamu ci hadith yi ci texte yi ki mo xole motax mazhab shafi'i gis nga lu upp ci borom xam xam hadith yi tout ça fofu dañuy nek ti wala ñom ibn hajar ñom al-qastalani hein ñom nawawi etcetera gay wagu ñu salah etcetera ñu boy lim chafé do ci wala de lim momo farfa da ngay xaw sax am ben jaar lu xaw nakari tuti jaar yu ki ñu tudde ñi nga xamne dañu fanatique mom dañu am problème après légui donc téré bu mu ne imam al-bayhaqi rahmatullah ci ma'rifatu sunan wal athar mune de toute façon hadith bi non seulement dafa am ay ittirab mais le fait que ñu solo ko ci ay serigne yo xamantene xamuñu ñan la te Abdullah ibn Uqaym mom du sahaba te serigne yoy mu wax ne ñom ñoo bindal ñom ñoo gis lettre boba serigne yoya xamuñu ñan lañ ndax ay sahaba lañ wala duñuy sahaba xamuñu ci dara donc té buñu fekkante ne xamuñu ba xam sahaba lañ wala duñ sahaba duñu xam ba xam mandu lañ wala manduñ parce que tay buma né tay parce que lool mo né tay man day amna benn way bu né ma sama benn way néna nangam ak nangam sama benn way dal néna musna de nga neena mam abdou dal neena ko nangam ak nangam lolou xam nga amul doole ndax man dama ne rek sama ben waye ko wax te sama wajoju man bo mu wolo tamit mais xamoo sama waajo ndax waaji woor na wala woor bu deug ok donc xamoo ba xam waaji day expliquer rek wala limu wax deug la xamoo ci dara wala amna wa musna toog ben goor goor gi ne nangam ak nangam yoy yep deugul ndax goor gi mom moy kat donc lolou mom lañu wax lolou mom motax ma baye rahmalahu hadith bobu kon lolou problème la ci benen problème yi nga xamantene mom lañu souligner ci imam an-nawawi rahmalahu souligner ko ci al-majmu'a min sharha han sharh muhaddab imam abu ishaq ash-shayrazi rahmalahu imam muné imam an-nawawi rahmalahu né benen problème bi nga xamantene mom mo am ci hadith bobu moy né dañ né lettre la té ñun suñu hadith yi ñi laye moy hadith yi ñu gis yépp ay wax la ba paré yu sax la yu dëgër la yu ñu xamul han la la duggal la voilà parce que lettre bokul ci critère hadith si mën na dëgër lettre si mën na dëgër bu saxé né yaranté bi moko yonné salam xam nga tay yow bu ma la bindé lettre mo bindé la mail wala mo bindé la lettre wala sms bo gisé ni sama numéro la wala sama mail la wala mu sax ne lettre bi mako signé sama tampon la ci def day dal di faire foi bu deug wala nga xamé ni sama écriture la day dal manam lolu ak sama wax ñoyam lolu ak ma wax ñoyam mais sauf que problème mu lettre aussi moy su fekkenté na xamuñu kan manam ndax saxna parce que bu ne rek amna ben lettre bu joge ndax lettre bobu saxna na yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko yone legui lolou benen problème la ala kulli halin ittirab yoy yep manam problème yoy yep taxna ba hadith yi gëna deugar ba pare hadith yi dañu gëna siw legui nak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañuy wax ne comme que les date bi dafa jégué won kon lolou moy mujjentale mbir mi mais dañ nan len dedet yeen deja da ngeen am problème xam dat bi kagn ñom dañ nan dedet problème bi grawul mën nañ len bolé ci dañi at avant kene wër avant kene ñaari wër avant kene 40 jours avant mom moy en tout cas ci biir période bobu la manam au minimum c'est là que dafa am ko xamné dafa bëgg dafa jël recul dañ en tout cas c'est sûr que c'est 1 an manam maximum 1 an avant kenen ki né non c'est sûr que c'est 2 mois avant kene et cetera kon ñom mën nañu tonto nonu mais problème bi moy dañ na ñi yenen jumhur manam yenen borom xam xam rahmatullah dañ na len non attention da ngay taxaw nak parce que suñu hadith yi ñun yi ñu yar dañu bari bari way go xamantene nuro ni bi mo muju sen hadith bi ben bobu kesse mo muju suñu hadith yi yep parce que yi ay événement yu wuté la ay événement yu wuté la bu deug donk lolou munuñu ko xam ba paré même buñu d'accordon ci lolou dañ nan bi khass la bi di am moy la bi yeen sen hadith bi ngeen wax moy dañu téré iha manam der ñu jëfëndiko ko lolou lañ téré bu médde wa mais lolou moy lu général li particulier moy né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam xamal nañu né même bu dé der bi dañu buñ ko manam bu médde nonu dafa harama jëfëndiko dafa sobé wu aussi hein xamal nañu aussi né der bi suñu ko wulé day bax donc ce qui veut dire que ni lolu moy cas particulier bi ni baxé moy ñu wuliko donc cas particulier bobu mëno ko jël nga éliminer ko pour une parole bu général par rapport au point bobu suñu bok chrétien yi yéholi sen wérante bi biñuy wax né que Moussa yalla da ko manqué parce que ko sol ay dal ñu xamanteni dañ ko jël ci til bu xamne dafa med ak ku nekk xamna ne yoonent lu mu gatt gatt du moy yalla yaani sahla nahlaika innaka bil wadi al maqdis tuwa donc question bu xawna andi ay jaxaso ci ko yalla non yo ci question ma lan la manam lutax chrétien né Moussa dafa dugg ci manam makkan bi ak dal yu medd alors ku nek xamna ni yoonte dum gatt gatt dum yalla waaw legui c'est que dafa am ay manam yow question ba bon souvent nak dañu dan faral di bayyi ba wax bi ci ba ki bi jeex manam ba wala ba waxtan bi jeex après question yi do gëno lolou lañ dan faral di def mais dina la tontu ci sa question bi particulièrement inshallah voilà première chose bi moy il faut ko wax di sax parce que mënu ñu rek né chrétien bi wax na li kon lolou amna parce que wax pour mu sax mu nek wax wax di duggé ci wax du wo naam yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax na ci hadith bu nek ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne yenen yalla musa sallam jour mi tassé ak boromam yéré souf la yoro der ay yéré bi yéré der la tamit ak dal yi tamit der la won lol kon saxna mais lim ne ko fakhla na layka innaka bil wadil muqaddas tuwa simil say dal ndax yow da nga nek ci gox bo xamantene dañ ko selal manam moy lieu saint la tekki wul ne place bi manam der bi dafa comme boy dugg ci jakka soy dugg ci jakka da nga simil say dal est ce que tekki na ne dal yi nga sol sobe la tekki wul lol teggin la rek question teggin la yene daf doon wax yenen daf doon jangal yenen yalla Musa alayhi assalam ne ko li teggin manam dafa am teggin yo xamantene mom mo aju ci beurep bi c'est pas parce que mom ci bopam dafa def luñu téré dafa moy yalla dafa def lu haram mais teggin yi nga xamantene mom la wara samontel par rapport ak place bi la ko doon jangal la ko xétu jangalal le fait que borom subhanahu wa ta'ala jangal ko ko nak tekki wul ne dafa def luñu téré mais daf ko doon orienter d'abord motax borom xam bi sax dañu wax fofu rahmatullah alayhi ne yent yalla Musa alayhi salam fofu nga xamne yent bi borom subhanahu wa ta'ala moko tanal bopam yekiti ko tek manam mo comme nim ko wax wastanatu kal nafsi dama la defal pour sama bop and ak lol yeb yekiti ko def manam nga xamne muy tasse ak mom mu jangal ko d'abord teggini avant mu koy jangal xam xam bi manam moy da ka jangal d'abord teggin yi ni amé ci jotayou xam xam parce que lan la ko xamal après innani allah la ilaha illa ana fa'budu li gëna mag li ni wara xam moy lan moy nga xam batu né allah la ilaha illa la ana manam man ma yalla amul ben bour bo xamné yalla nañu jamm ko dul man d'ailleurs lool moy objectif moy nga xam yalla borom subhanahu wa ta'ala té délo xamné mom nga wara jamm sa fu né moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow rek la ni jamm té yow rek la ni sakku ndimbal iyyaka na'budu taxté ko manam nga réaliser ko nga dundou ko lol la ko don jangal te bim ko koy jangal and ak lol lim am solo yeb lim ko ndik jangal moy lan moy teggin yi nga wara am dabo lolo tax ñuy wax la teggin mo upp doole xam xam bi ci bopam mais kan ki suma jumul imam hasan al-basri radiyallahu anhu mu ne aka ne xor sama dundou gi yeb ma passé côté ci jang teggine au lieu may sonna ci xam xam ndegete sama dundou yeb aka neexone ma passé côté ci jang teggine mais teggini tekki wul li wolof di wax teggine ndax wolof limi wax teggine rek moy amna yo xamne waro ko wax ay sosera lolou lay wax ak yo xamne waro ko def nangam nangam politesse wa ya politesse wala dafa am problème mais teggine moy règle de bienséance à appliquer dafa am ay règle de bienséance yo xamantene ku bëgg jaar dem ci yoonu yalla dafa am règle de bienséance yo xamne mom nga wara appliquer règle yoyu soko appliquer wul yoyu farata la ci yoonu yalla andak ne budul ci yoonu yalla du farata mais ci ku bëgg dem ci yalla mom dafa am règle yo xamantene ay règle de bienséance la da nga war di sax tax ko mom sa su nek te ci teggine yoyu ci lañu yeggé ci yalla fofu la yent yalla Musa alayhi salam mom lako yalla don jangal ne ko pour ko xam parce que bo xolé lepp day tourner autour da xam yalla lim ko wax fofu han and ak lol daf ko wax teggini d'abord parce que teggini lol motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam yalla yenenbi sallalahu alayhi wasallam and ak pourtant xam nga tay munu ñu ne ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam comme tay ku wax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ragalel yalla wala mandul day nek yefir deug te pourtant borom subhanahu wa ta'ala bi mi tam suratul ahzab nga xamantene day jangal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yu mel nonu lolou la tambale ya ayyuhan nabi ittaqillah yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ragalel yalla manam pour wax ne teggine ken muccu ci teggine yoy nga xamne mom ay règles de bien séance ñepp war respecté sulu bëggé dem ci yalla bo xolé yoy nak mom lañu jang ci kunuzul haqaiqi manam comme jotay bi wessu ci affaire yoy lañ nek mais fi veli domaine fiqh la légui légui pour ñu déllu sa légui ci domaine fiqh bi def transition bi moy nek lolu der bobu mën na baña lap manam mën na lap amul ben problème mën na lap liñ ko wax ne ko simil say dal lolu pour mu gëna lap rek la comme tay nit xam nga yéré bu ñaké tilim salté yoyu fek amul sobé mën na ci julli mais li gëna nek téggin moy lan moy mo seul yéré bu set rafet nangam rafet lolu buntu téggin la du buntu lap na ak labu d'accord voilà légui mu dess benen mbir ci question bobu batay moy nek acte bobu mën na nek acte ñu jikk ñu te baña nek acte ñu mujju ñu au moment où sharia yi mën na baña bok yoy yep mën na ci am benen bi moy mën na nek benen mbir tam mën na ci nek moy lan moy nek même buñu jappé né lolu sobé la même buñu jappé né sobé la dañ nan sobé la a sobe la ginnaw bi ko yalla waxe mais avant mu atté di ñew ci mom diko wone ko li labul nekul luñ ko téré wuñ ko ko won avant légui lañ ko koy doga téré donc il y a pas de souci aussi fofu yépp leunt ko fa ba légui ñu délu ci waxtu suñu lan suñu masala yi moy fa wala te al khas muqaddam ala al am lo regul usul yi la regul usul la al khas muqaddam ala al am xamna dinañ ci gëna ñew insha allah ci mas'ala usul yi buñ ci yexé moy un cas particulier mom lañu jital tout temps ci règle générale exception mom lañu jital ci règle générale comme li lool la hein voilà donc ce qui fait que ni kon donc lool lañuy tonto ñan ñom imam lan rahmatullah ñi légui mu dess masal mu dess benen position bi moy ban ah mom bi ah bobu la luñu mëna lat voilà wa ah lolu ñom imam al-awza'i ñoko wax abdallah ibn mubarak rahmatullah alayhi al-awza'i imam al-awza'i wa ko imam al-awza'i talib zuhri la min dara ha talib ak bon mom ak ñom imam malik ñoo bokkon jamono ñaa non mom sham la dukkon tax ñu nako faqih sham mo nekkon faqih bu mag bi nekkon borom xam xam hadith bi aussi mom moy ki nga xamne ci ñu jëk bindu hadith manam ñi mom manam def ko bindu ko def ay tire comme ñom imam malik niñ ko def ci ñom waqta ñom ibnu juray ci ñom et cetera generation bobu mom ci ñoñu la bokk imam al-awza'i rahmahullah am na ngir go xamantene yoron nako ngiram don na fonctionner sax ba ay 6e 7e siècle 7e siècle ginnaw gadda yanti sallallahu alayhi wasallam mu wara tollok lan ban siècle 15e donc jusqu'au 15e siècle et mom ngiram don na dox ngir bu am doole la won te imam al-awza'i rahmahullah bok na ci imam tasawuf imam fiqh imam hadith ci jamono ak ba ci ginnawam tamit sax ba legui motax ba legui dañuy bayyi xel ay waxam ay kiyom nga xamantene aduna bi yep dako jangale jaamu ci yalla nga xam tan dafa xajoon fanam yi ñet manam at bi da ko doon xat ñet ki ben jamono jo xamne ci xam xam rek lay ne di jangale jangale benen bi moy daf ci doon dem at umrah bi ci dess da joon jihad jeexna li mo nekkon dundam imam wa manam dal kon imam al-awza'i mom rahmahullah dafa mom lu wax mom dani der bi suñ ko il faut mu nek luñuy lek ndax lan mom mu ne ñom liñ wax mom mu dal abdullah ibn mubarak mom lu mubarak marwazi dekkul khurasan ñom maro mom imam mom tamit ku kemaana la won borom xam fiqh bu mak mo d'ailleurs ci ak tasawuf surtout ci tasawuf lañ ko gëna xamé mais ci xam xam hadith mo bind kitab zuhd et cetera mom abdullah ibn mubarak abdullah ibn mubarak radiyallahu anhu mom tamit morom ñom imam malik la won de nga rahmalah ima kon abdullah ibn mubarak ñom ñi luñ wax moy ne buñu la ne bu fekkante ne manam wulli bi dina am njariñ mais sous condition mu nek lo xamne makulul lahm lay do lo xamne ne yak bi dañ ko meuna lek ñu ne ndax lan ñu ne ndax hadithu abul malih bi amir ibn usama radiyallahu anhu manam mu jele ci bayam usama radiyallahu anhu mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ne naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam am juludil sibaa'i an tuftarash wala bok am juludil sibaa'i ci yenen riwaya tamit manam ne hadith bobu mu ci sunan sunan imam tirmidhi man nasa'i khatallahu alayhi ma imam al-hakim solo nako tam ci mustadrak ba para wax ni hadith wirna hada hadith sahih la wax donc hadith bobu moy lan moy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam day tere naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam yenenti sallallahu alayhi wasallam da fay tere am juludil sibaa'i manam xaj manam deru ndegment en tout tarach ci ñukoy lal manam diko def lay wala yoy diko lal diko toog ak yoy non donc mom ñom ñu ne kon li lay bu deugere la ci ñun wax lu deugere après ñu ne benen bi moy buñu xolé hadith riwayat yi nek ci hadithu ban salamat ibn muhabbith radhiyallahu anhu mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo xolé daf ni bok na ci moy dibahu juludul maytati moy lan zakatuha wa buñu de wulé deru lan wala dibahuha zakatuha dibahu adimul maytati zakatuha wa etcetera au lieu de tuhuru ak yenen riwayat manam moy buñu wulé der day taxawayu rendi nañ ko buñu wulé der day taxawayu lan rendi nañ ko manam mokoy label manam moy zakat bi tamit batay moy comme rendi bi rek légui lolou ñom dañ ci né donc ñun lolou lan lañ ci jàngé li ci jàngé moy kon li dago nona dégg li dago nona rendé bu génné aduna ñu fess ko jël der bi wulli ko ci lay baxé mom ak day kon wulli bobu day taxawayu rendé gi mais lu daga lu ta rendé kay défu ko rendé kon ce qui veut dire que comme que défu ko rendé té wulli bi limi jar moy dal taxaway rendé gi donc rendé ah rendé wulli gi ñak wulli gi ñoyam gis ngeen ah han gis nga ki bi voilà wulli gi ñaa voilà qiyas la voilà qiyas bobu boko xolé xana bi lay rahmatullah alayhi def nañ ko mais tamit borom xam dañ ko dakk manam yeneen borom xoy la ci djublu moy lan moy der bi yak bi su fekkentene dafa haram dafa sobewu day taxaw der bi mok der bi dañu yor meme taxaway bi manam ce qui veut dire que ni yak bi manam der bi nga wulli ko nga bañ ko wulli ñoyam au moment où waaw mënumako lek dafa sobewu rek té bo wa qiyas bobu dañ boy motax yeneen borom xoxum rahmatullah dañ leen don dana qiyas la dana qiyas bi fi muqabalatin nas la té innal qiyasa lol règle usul la innal qiyasa idha kana fi muqabalatin nas lam yultafa ilayhi qiyas su fekkante ne da fay opposé ak texte bu woor té lèr defu ko bayyi xel qiyas bo dege ñu nan qiyas moy analogie bobu ñuy def raisonnement par analogie amna benen bat bu may wour musna ko japp ci tuba comparaison xawma lan en tout cas comparaison la buy tax bu lay permettre nga meuna accéder ci résultat moy comme mané et comme exemple ñu joxe élément A ak élément B ñoo fi né élément A xamna atté bi élément B la ignoré atté ci sharia mais élément A mom xamna atté mais dama gis né élément A ak élément B ñom ñoo bokk cause manam ñoo bokk cause yi leen relier amna hein lu leen relier étroitement bay tax comme élément A dama gis né atté bi ci sharia tek mo né li tax mu tek ko ci moy cause sangam xam nga lolou meun na xam ne bo gisé yalla tawé nangama tax wala bo gisé mu diglé nangama tax légui bu ma xamé atté bobu liko waral dama gis né même cause bobu mom lay fekk ci élément B ma jël atté bima jox élément A ma jox ko élément B lolou moy